Mon dernier concerto. Grâce, grâce, je t'en supplie. Non, non, pas de retard. C'est le comble de l'art. Il dure une heure et quart. Miséricorde, une heure et quart. Une heure et quart, c'est le comble de l'art. Je n'écouterai pas. Si tu m'écouteras. Je n'écouterai pas. Si tu m'écouteras. C'est charmant, c'est ravissant. C'est assommant, c'est Voyage à cette heure. Saturne, quel est ce bruit qui nous réveille au milieu de la nuit? Qui nous réveille au milieu de la nuit? C'est Diane, ma fille chérie, qui nous sonne sa sonnerie, suspense, réveille à l'instant. Et surtout, pas de bâillement, d'un cri de joie et d'allégresse. Il faut saluer la déesse, obéissons au règlement. Mais pourquoi cet air de tristesse? Pourquoi cet air de tristesse? Qui s'annule par ici. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. jupin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, le populaire patte de la route connaît jupin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, le populaire patte de la route connaît des mars jupin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, le populaire patte de la route connaît jupin. Et c'est de la même enveloppe que tu te servis de nouveau lorsque pour enlever Europe tu pris les cornes de taureau. Populaire patelin reconnaît tes farces Jupin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ne populaire patelin on te connaît Jupin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ne populaire patelin on connaît tes farces Jupin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ne populaire patelin on te connaît Jupin. Banana est ton adorée. En pluie un jour tu te montras. Mais cette pluie était dorée. Ça lui plut et tu l'adoras. Oh, oh, oh. Patelin, on connaît tes farces Jupin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le populaire patelin, on te connaît Jupin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le populaire patelin, on connaît tes farces Jupin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le populaire patelin, on te connaît Jupin. Ce signe traqué par un aigle que l'Eda sauva dans ses bras. C'était encore vous, gros espiègle. J'étais l'aigle, il n'aimait pas. Ne populaire pas de là, on te connaît Jupin. Ne populaire pas de là, on connaît tes farces Jupin. Ne populaire pas de là, on te connaît Jupin. Que prouvent ces métamorphoses? C'est que tu te trouves si laid que pour te faire aimer, tu n'oses te montrer tel que l'on t'a fait. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ne populaire patelin, on connaît tes farces Jupin. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ne populaire patelin, on te connaît Jupin. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ne populaire patelin, on te connaît Jupin. Il s'avance, le voilà, oui, c'est bien lui. Ah, sapristi, je commence à bien m'ennuyer ici. Il s'approche, il s'avance, le voilà, oui, c'est bien lui. Venez dans le sein à douleur et le ravisseur. C'est plutôt, nos amigos.